professionnels, commandez maintenant sur bernard.fr. Expert en hygiène, entretien et sécurité en entreprise, Bernard contribue à rendre vos espaces de travail plus propres, plus sûrs et plus respectueux de l'environnement pour le bien-être de chacun. Ayez le réflexe bernard.fr. Simple et pratique, Bernard, c'est 20 000 produits d'hygiène, d'entretien et de sécurité livrés rapidement dans vos locaux. Bernard.fr, tout pour faire briller vos espaces de travail. France Inter. Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Madeleine Pelletier, une féministe intégrale. Il faut la voir au congrès de la SFIO en 1906, montée à la tribune, habillée en homme, cheveux courts, costume pantalon, cravate, et haranguer les militants socialistes. « Oui, la femme doit voter », s'exclame-t-elle. « Non, ce n'est pas vrai qu'elle soit sous l'emprise des curés ». Quand on pense aux insultes que Simone Veil subira 70 ans plus tard en défendant sa loi sur l'avortement, on est impressionné par le talent et le courage de Madeleine Pelletier dans son combat féministe. Au début du XXe siècle, tout est à faire et comme rien ne l'arrête, elle veut tout. Le droit de vote, mais aussi le service militaire, le droit à l'avortement et à la contraception, le refus du mariage et de la maternité, la liberté sexuelle. Un siècle avant la théorie du genre, Madeleine Pelletier refuse l'idée que les femmes et les hommes soient assignés à des rôles. La femme, dit-elle, doit devenir un individu avant d'être un sexe. Très isolée à son époque, même parmi les féministes, Madeleine Pelletier payera cher l'originalité et la radicalité de son engagement. France Inter, Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Florence Dorer-Citeauleux, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Duncan. Vous êtes documentariste, vous connaissez bien Madeleine Pelletier, à laquelle vous avez consacré un documentaire, un très beau documentaire sur les traces de Madeleine Pelletier. L'histoire des femmes étant une histoire cyclique, on le sait bien, Madeleine Pelletier a été très longtemps oubliée et elle fait partie de ces combattantes qui ont été redécouvertes par les féministes des générations suivantes, les petites filles ou les arrière-petites filles qu'elle aurait pu avoir si elle avait eu des enfants. Pourquoi cette femme est-elle si intrigante et passionnante encore aujourd'hui et pourquoi vous l'avez choisie comme sujet? Oui, Madeleine Pelletier est un personnage absolument fascinant. Elle est très en avance sur son époque, c'est une pionnière. Elle a conçu des idées qui étaient totalement novatrices à son époque. Bien avant Simone de Beauvoir, elle a parlé de l'individu qui ne naissait pas femme mais qui le devenait. Elle a conceptualisé une théorie du genre bien avant tous les autres. C'était une féministe radicale qui a beaucoup lutté pour le droit de vote des femmes. Elle s'est également énormément investie dans le droit des femmes à disposer de leur corps, dans le fait d'être libre ou pas d'avoir des enfants. Voilà, c'est un... Il y a beaucoup de choses dans cette vie. Il y a énormément de choses à dire sur Madeleine Pelletier. Son combat aussi en tant que médecin psychiatre, on y reviendra tout à l'heure. Pour bien comprendre les enjeux de l'histoire de cette femme née en 1874 et morte en 1939, on le verra dans des conditions assez douloureuses, pouvez-vous nous rappeler, Florence Dorer-Citeauleux, ce qu'était la condition des femmes en France, donc au tournant donc fin 19e, début 20e, et ce qu'était le féminisme à cette époque-là? Alors, les femmes étaient considérées comme mineures. Les femmes n'avaient pas le droit de vote. Les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque. Les femmes étaient totalement inféodées à leur père, à leur frère, à leur mari. Elles étaient principalement destinées à procréer. Et c'était là leur rôle premier. Les mouvements féministes, il y en a quand même. Enfin, le féminisme n'est pas né à cette époque-là. On a eu déjà du féminisme même pendant la Révolution française, pendant la Révolution de 1848. Mais là, justement, à cette période, fin 19e, quels sont les mouvements féministes? Quelles sont les revendications des féministes? Alors, la grande question, c'est le droit de vote des femmes. C'est la lutte principale. Mais même, il y a des féministes, je crois, qui n'osent même pas réclamer le droit des femmes. Oui, oui, oui. Alors après, les mouvements féministes sont très divisés. Ce qui les rassemble quand même, c'est plutôt l'accès au droit de vote. Mais il y a de grosses différences entre les différents mouvements, avec certaines féministes qui veulent absolument garder leur féminité tout en revendiquant un certain nombre de droits. Oui, et Madeleine Pelletier, là-dedans, c'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine. Oui, Madeleine Pelletier, c'est un ovni, c'est un peu le trublion. Madeleine Pelletier, elle revendique le droit de porter un costume masculin, mais pourquoi ? C'est absolument pas un travestissement de sa part. Le fait de porter un vêtement masculin, un costume masculin, c'est affirmer le fait qu'elle est l'égale de l'homme. C'est une affirmation politique, c'est un geste militant. Florence Dorer, Citeau-le, on poursuit tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, Madeleine Pelletier, une féministe intégrale, un texte de Corinne Klomp, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire, réalisation Laure Egoroff. Qui a bien pu me dénoncer ? J'ai tellement d'ennemis, même chez les féministes. Sans doute une machination des curés. La perspective de croupir dans la crasse d'une cellule me terrorise. J'en frissonne. J'ai envie de déchirer cette maudite convocation. Non. Pas question de me laisser impressionner par un petit juge d'instruction. Je dois rester libre pour continuer le combat de ma vie. Aider les femmes à conquérir les mêmes droits que les hommes, sur tous les fronts. En route. Ma canne, mon chapeau et... mon panache. Docteur Pelletier, seriez-vous l'une de ces faiseuses d'anges qui déshonorent la France ? Doctoresse, je vous prie. Doctoresse Madeleine Pelletier. Répondez à ma question. Monsieur le juge, je ne connais pas cette Suzanne, la domestique dont j'aurais soi-disant fait passer l'enfant. La lettre anonyme que vous tenez entre les mains est un tissu de mensonges. Vous niez l'accusation dont vous êtes l'objet. De toutes mes forces. Comment vous croire ? Vous défendez publiquement cette abomination qu'est l'avortement. J'ai écrit mon texte pour le droit à l'avortement il y a plus de 20 ans. Je n'y peux rien s'il est réédité. Signe que le débat n'est pas clos et suscite de l'intérêt. De l'indignation. Qu'une femme se prononce en faveur d'un tel crime est déjà choquant, mais une femme médecin, c'est monstrueux. Eh bien moi je trouve monstrueux de contraindre une femme à la maternité quand elle ne la désire pas. Et je trouve choquant de m'accuser sans preuve. Avez-vous des preuves ? En dehors des ragots dont tout Paris bruisse à mon sujet ? J'ai l'habitude d'être montré du doigt par ceux qui ne pensent pas comme moi. Ils sont nombreux. Nombreux à avoir tort. Quel aplomb. Mais vous vous trompez. Le débat est clos. Notre pays a des lois pour réprimer l'atrocité que vous glorifiez. Des lois scélérates. La Ligue des droits de l'homme se bat pour les faire réviser. Pour le moment, elles restent en vigueur. Ne vous en déplaise. Vous les connaissez ? Hélas. Bien. Dans ce cas, vous savez que la dernière en date, la loi du 27 mars 1923, fait juger ce délit en correctionnel. Et vous savez aussi ce que vous risquez si vous êtes reconnu coupable. Jusqu'à 5 ans de prison, docteur. Pardon, doctoresse. Avez-vous déjà séjourné derrière les barreaux ? Non, je... Que se passe-t-il ? Ça ne va pas ? J'ai froid, je ne me sens pas... Paris, février 1933. Madeleine Pelletier s'est évanouie dans le bureau du juge d'instruction. À 58 ans, cette femme à la robuste carrure est une personnalité hors du commun de la Troisième République. Très en vue, mais contestée. Vêtue d'un costume d'homme, agrémentée d'une canne et d'un chapeau melon qui lui donne un air d'Oliver Hardy, elle se définit comme une féministe intégrale. Son engagement prend sa source dès son enfance, misérable et solitaire. Ses parents tenaient dans le quartier des Halles un commerce de fruits et légumes qui marchait mal. Les 12 grossesses de sa mère, dont 2 seulement menées à terme, la marquent pour toujours et lui font prendre conscience de la situation de la femme. Une éternelle mineure, vouée au mariage, esclave sexuelle de l'homme. Être née femme, quel malheur. En 1889, à la mort de son père, elle a 15 ans et se retrouve seule avec sa mère. Une femme dure, bigote et royaliste, avec laquelle elle ne partage qu'une chose, le prénom, Anne. Livrée à elle-même, la jeune Anne court les bibliothèques et les réunions politiques, aux grandes dames de sa mère. Anne, tu as vu l'heure? 3 heures, et alors? Il est jamais trop tôt ni trop tard pour se cultiver? Arrête avec ta culture, elle ne sert à rien. À part celle des pommes de terre. Justement, c'est pour arrêter d'en manger midi et soir que je nourris mon esprit. Raisonneuse. Avec qui es-tu allée traîner? C'est mes créants d'anarchistes? Non, mère, pas cette fois. Avec des féministes. Des femmes qui veulent changer le monde. Enfin, leur vie d'abord. Mieux vaut commencer avec modestie avant de faire la révolution. Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour enfanter une dégénérée pareille? Tu mériterais 2 balles dans la tête. Encore? L'autre nuit déjà, tu voulais me tuer car je disais du bien des francs-maçons. Mère! Mon livre! Quoi, ton livre? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu me fatigues à crier. Mon livre de philosophie, tu l'as déchiré, pourquoi? J'ai arraché quelques pages pour emballer des poireaux. Déjà que je cours après les clients, tu veux en plus que je les serve mal? Tu les sers mal! Non mais regarde-toi, regarde ta boutique! Regarde où on vit dans un taudis! Ici tout est sale, tout me fait honte! J'en ai assez d'être habillée comme une souillon, d'avoir des boucles à la tête, assez! Tais-toi! Ou je te jette dehors pour de bon! On verra si tu trouves la rue et son caniveau plus propre, si ta culture t'empêche d'avoir faim. Fais à ton idée. Je vais passer mon baccalauréat toute seule. Je veux devenir quelqu'un. Ah oui? Qui donc? Un grand général. Parfaitement. Les femmes sont capables du meilleur. Les femmes ne sont rien du tout. Elles se marient, elles font la cuisine et elles élèvent leurs enfants. Je vais me coucher. Ne compte pas sur moi pour payer tes études ou tes satanés livres. Quand père est mort, j'ai pleuré. C'était un homme faible mais gentil. Ce soir, face à ton corps raide et glacé, mes yeux restent secs. Je ne ressens rien. Pour ton dernier voyage, j'ai préparé ta tenue de dévote préférée. Une robe noire, parfaite pour masquer les taches, la crasse. Je l'ai lavée, j'en ai encore la nausée. La seule chose que tu me lègues, c'est le dégoût. De la chair, du corps des femmes, de leur ventre déformé par les grossesses. L'idée d'avoir séjourné dans tes entrailles mêlées à tes boyaux m'est insupportable. Me voici orpheline à l'âge de 23 ans. J'ai changé de prénom. Désormais, je m'appelle Madeleine. Jolie, non? Et je viens d'obtenir mon baccalauréat mention très bien. Tu vois? Je fais tout pour ne pas te ressembler. Je ne me marierai pas, je ne ferai pas la cuisine, je n'élèverai pas d'enfants. Je veux être tout à fait libre et gagner de l'argent. Adieu, mère. Repose en paix, si c'est possible. Madeleine Pelletier obtient bientôt une bourse d'études de la ville de Paris. Fin 1898, elle s'inscrit en médecine, rejoignant 128 autres femmes parmi les 4500 étudiants de la faculté. 4 ans plus tard, elle s'oriente vers la psychiatrie et veut passer le concours de l'internat des asiles d'aliénés, réservé aux hommes. Révoltée par cette injustice, Madeleine lance une campagne de presse avec le soutien de Marguerite Durand et de son journal La Fronde, premier quotidien au monde à être dirigé par des femmes. En 1903, elles obtiennent gain de cause. Madeleine Pelletier devient à 30 ans la première femme interne des asiles de France. Auréolée de son succès, elle prend en 1906 la présidence d'un groupe féministe, la Solidarité des femmes. En mai de la même année, à la veille du deuxième tour des législatives, elle s'affaire aux préparatifs d'une manifestation dans le 2 pièces qu'elle occupe à Paris, rue de Gergovie. Elle reçoit l'aide d'Hubertine Auclair, journaliste et féministe, pionnière de la bataille pour le suffrage des femmes. Je vous ai apporté quelques pancartes de propagande. Voici ma préférée. Pas de devoir sans droit, pas de droit sans devoir. Très juste. Merci Hubertine. Il ne me reste plus qu'à faire imprimer les affiches avec le nouveau slogan. Comment ça? Le slogan, vous l'avez déjà? Je l'ai inventé il y a plus de 20 ans. Le suffrage des femmes. Clair, simple, précis. Il ne vous plaît pas? Si, de là à dire qu'il a fait ses preuves. Allons bon, si les femmes n'ont toujours pas le droit de vote, c'est la faute de mon slogan. Bien sûr que non, mais je le trouve un peu sage. J'ai envie de quelque chose de plus combatif, de plus impérieux. Exemple? La femme doit voter. Car elle subit les lois et elle paie des impôts comme les hommes. Oh, oui, merci Madeleine, je sais. La femme doit voter. La femme doit voter. La femme doit voter. Ah, pas mal, non, d'accord, d'accord. La femme doit voter et elle votera. Oh, j'espère savourer cette victoire de mon vivant. Combien comptez-vous d'adhérentes à la solidarité des femmes? Une cinquantaine. C'est maigre. Quel âge ont-elles? Autour de 60 ans, comme moi? La moitié à votre âge, l'autre à le mien. Oh, un peu de jeunesse. Bien. Mais ça ne suffira pas. Vos adhérentes les plus vieilles ne manifesteront pas dans la rue. Pourquoi? Bah, parce qu'elles ont mal au crâne, aux pieds, aux genoux. Ou par crainte de tomber dans les griffes du tigre, notre ministre de l'Intérieur. Clémenceau? Il est trop occupé à réprimer la grève des ouvriers. Rassurez-moi, Hubertine, vous viendrez? Je ne rate jamais une occasion de faire valoir mes droits. Mais ma présence ne cachera pas l'absence des autres. J'ai une idée. Il faut louer des fiacres. Des fiacres? Pourquoi pas des corbillards? Si vous préférez. Vous les dissimulerez sous vos banderoles, le public n'y verra que du feu. Vous plaisantez? Non, j'ai de l'expérience. Si nous défilons à pied, nous allons nous ridiculiser. Combien de fiacres? Une dizaine, pour donner l'illusion d'un nombre décent de participantes. Vous parlez d'une manifestation, assise au chaud incognito. Elle est belle, la révolution des femmes. Malgré les fiacres, notre action a été moquée par messieurs les journalistes et qualifiée d'aimable promenade dominicale. Quant à moi, j'ai fini au poste, sous les colibets de la foule. Mais cela n'est rien. Je viens d'échouer à la deuxième partie de mon concours pour devenir psychiatre. Ma belle carrière scientifique s'arrête, net. Qui trop étreint mal embrasse. Mère, c'est l'inverse. Si tu prétends citer des proverbes, fais-le correctement. Mais tu n'as pas tort. Je me suis dispersée. Un mal pour un bien. Le féminisme m'apparaît désormais comme une évidence. Ma priorité avant tout autre combat. Je veux laisser une trace dans son histoire. À défaut d'en laisser une dans celle de la médecine? La médecine me permettra de gagner ma vie. Dans quelques jours, je prête serment comme médecin des PTT. Médecin suppléante? Même pas fichu d'être titulaire. On est loin du grand général, non? Ma vie n'est pas comme la tienne. Elle n'est pas finie. Tu feras comme les autres, ma fille. Tu renonceras. C'est mal me connaître. Mais venant de toi, cela ne m'étonne pas. Jamais tu ne t'es intéressée à moi. Après avoir prêté serment, Madeleine Pelletier transforme sa chambre en cabinet médical. Les patients se font rares, les docteurs au féminin suscitant la méfiance. Pour survivre, elle s'inscrit sur la liste des médecins pouvant être appelés la nuit. En parallèle, elle met au point sa tactique, faire de l'entrisme dans les partis politiques pour lier l'émancipation des femmes à l'émancipation générale. Elle adhère à la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière. Fin 1906, elle fait voter par les socialistes une motion en faveur du suffrage des femmes, qui reste sans lendemain. Elle persévère, écrit de nombreux articles et fonde un mensuel, La Suffragiste. Sous la Troisième République, elle est la seule féministe à revendiquer l'égalité absolue entre les hommes et les femmes, incluant le droit de vote, le droit au travail, à l'éducation et à la libre maternité. Le 3 mai 1908, Madeleine se tient sur le pied de guerre pour le premier tour des élections municipales. Hubertine, enfin vous voilà. J'ai cru que vous aviez renoncé. Mais pour qui me prenez-vous? Je ne vous serre pas la main, mes doigts sont poisseux. J'ai passé une heure à coller des affiches. Il faut tout faire soi-même, c'est usant. En route. Où sont vos militantes? Dans un salon, je suppose, autour d'une tasse de thé. En train de se plaindre que je les maltraite. Mais vous n'êtes pas là pour leur enseigner la broderie. De vous à moi, ces bonnes femmes sont nulles. Elles ne m'arrivent pas à la cheville. Ce matin, je leur ai dit, suivez-moi, allons commettre un acte héroïque. Voyez le résultat. D'autres féministes devraient nous rejoindre. Sans compter la police. Elle, au moins, elle nous suit. Moi, j'ai du mal. Vous marchez trop vite, Madeleine. Si j'ai encore la vivacité d'esprit, je n'ai plus celle du corps. C'est que j'ai hâte d'en découdre. Pas vous? Oh, si! J'en rage de voir comme on nous fait lanterner à coups de vaines promesses. C'est curieux. Les hommes ont toujours plus urgent à faire qu'à s'occuper de l'émancipation des femmes. Voilà le bureau de vote. Oh, visiblement, Moi aussi, j'ai échoué à mobiliser mes troupes. En effet, peu de féministes, quelques policiers. Vous avez peur ? Non. Si. Peur de prendre un mauvais coup sur la tête. La vue du sang me... Et vous ? Je n'ai peur de rien, sauf de la prison. Si jamais, je promets de remuer ciel et terre pour vous sortir de là. Je promets de vous recoudre le crâne au cas où. Prête ? Prête. À l'assaut. Tandis que Madeleine Pelletier brise une vitre, Hubertine Auclair, aidée de quelques militantes, renverse une urne au sein du bureau de vote. En France, ce seront les deux seules actions violentes de la première vague du féminisme. Arrêtée et libérée le soir même, Madeleine, inculpée pour bris de clôture, écope de 16 francs d'amende avec sursis. Nourrie à l'idéal révolutionnaire, Madeleine Pelletier détonne parmi les féministes, très attachées à la République. À la solidarité des femmes, on lui reproche son manque de modération. Dans la presse, ses détracteurs veulent la faire interner en prison ou à l'asile pour qu'elle puisse caresser son rêve de chiennerie universelle. Qu'importe, elle ne dévie pas de sa ligne. Le 21 juin 1908, elle se rend à Londres pour assister au Women's Sunday, la manifestation des suffragettes, un mouvement féministe créé 5 ans plus tôt par Emmeline Pankhurst. 500 000 personnes, et je suis l'une d'elles, dans l'un des 7 cortèges qui défilent par ce beau jour d'été, direction Hyde Park. Pouvoir marcher, crier en chœur avec ces femmes, avec mes sœurs. C'est merveilleux. Comme les Françaises à côté me semblent timorées. Croyez-moi, Hubertine, rien n'arrête les suffragettes. J'ai vu une femme à demi paralysée manifester sur un tricycle. Incroyable. Il y avait aussi des hommes. Par milliers. La plupart coiffés d'un élégant canotier. Votre café, madame. Votre boc, monsieur. Merci. Vous avez entendu ? Il m'a prise pour un homme. Pas étonnant. Sur ce point, vous n'hésitez pas à grossir le trait. Qu'attendez-vous pour vous travestir ? Socialement, nous devons être des hommes, les imiter, pour abolir les privilèges qu'ils se sont appropriés. Chère Madeleine, je trouve votre tenue courageuse. Mais admettez qu'elle puisse choquer, jusque dans votre propre camp. Oui, plusieurs féministes m'ont accusée de les trahir. Pantalon, trahison. Cela ferait un bon slogan. Vous riez. Mais certaines femmes ont besoin de mettre en valeur leurs spécificités. Se déguiser de façon provocante, avec force dentelles et décolletées, n'est pas se mettre en valeur. C'est s'offrir en permanence à l'autre sexe. De l'esclavage. Tout de suite les grands mots. Pour affranchir la femme, il faut l'enlever à ses habitudes. En m'habillant comme lui, je dis à l'homme, je suis ton égal. Je montrerai mes seins le jour où tu mettras un pantalon qui montre ton... Oh, quelle horreur ! La femme doit cesser de se conformer aux prétendus attributs de son sexe. Un costume tailleur est plus élégant qu'une robe chiffonnée. Est-ce pour moi cette pique ? Non, vos robes sont impeccables. Mais le costume vous irait bien. Les cheveux courts aussi. Je ne m'habillerai pas en homme. Je ne m'habillerai pas en asservi. Regardez cette bourgeoise là-bas. Avec son visage plâtré, ses lèvres peintes qui implorent les passants. Ne suis-je pas désirable ? Mais quel mal y a-t-il à se poser cette question ? Pour ma part, malgré la mort de mon mari, je n'ai pas renoncé à ma sexualité. Pas étonnant que nos combats n'avancent pas. Dieu que vous êtes dur. Je n'y peux rien, c'est héréditaire. Vous ne ressentez jamais de désir pour un homme ? Les hommes ne m'intéressent pas. Et les femmes ? Le voyage à Lesbos ne me tente pas. J'ai décidé de me passer des rapports sexuels. Moi, je ne saurais vivre sans la chair. À votre âge ? Quelle honte ! Un peu de respect, que diable. Je pourrais être votre mère. Ah, si seulement, Hubertine. Si seulement. Galvanisée par les suffragettes anglaises, Madeleine Pelletier franchit une nouvelle étape. aux élections législatives de 1910, les socialistes présentent des candidatures féminines illégales. Madeleine, en lice dans le 8e arrondissement, l'un des plus réactionnaires de Paris, tient plusieurs réunions politiques bien accueillies. Elle est battue, mais obtient un résultat honorable avec un nombre de voix masculines plus élevé que le précédent candidat socialiste en 1906. Elle devient, en France comme à l'étranger, la féministe la plus célèbre. Dommage que je ne sois pas la doctoresse la plus célèbre. En 3 mois, j'ai reçu 2 patientes, ma concierge et une femme partie sans payer pendant que je me lavais les mains. Je croule sous les dettes. On n'échappe pas à son destin. Tu es née dans la misère. Tu vis dans la misère. Tu mourras dans la misère. Seule, comme un chien. La solitude est le lot des femmes d'exception. De toute façon, je ne vois personne digne de moi. Le véritable état supérieur, c'est le célibat. Docteur Espeltier à l'appareil. Oui, le nom de la patiente. Et l'adresse. J'arrive. Encore une visite en pleine nuit dans un quartier mal famé. Ah, j'allais oublier mon revolver. Tu as peur de quoi? D'une atteinte à ta virginité? Tu t'es regardée? Qui voudrait s'en prendre à toi? En tombant, j'ai eu si peur. C'est vrai, docteur, vous entendez battre son cœur. Distinctement. Le bébé va bien. Où est votre mari? À une réunion syndicale. Il va pas tarder. Arrêtez de pleurer. Vous avez déjà des enfants? 2 garçons. Ils dorment dans la cuisine. Cette fois, vous attendez peut-être une fille. Si c'est le cas, éduquez-la comme ses frères. Pourquoi? Pour lui offrir une vraie chance de réussir dans la vie. Habituez-la à la douleur. Apprenez-lui à retenir ses larmes, qu'elle ait honte de pleurer. Ah bon? Et puis, pas de fanfreluche, pas de poupée. Quant à vous, 3 enfants, c'est beau. Arrêtez-vous là. J'aime mon mari. Je ne veux pas me refuser à lui. Vous n'êtes pas sa chose. À chaque fois, c'est vous qui enfantez toute seule. Comment faire? Je vais vous donner des conseils pour éviter de concevoir en boucle. Mais le suffrage des femmes, il arrive, docteur. Avec la révolution et la victoire du prolétariat. Faites-nous confiance. Non, depuis 1789, la France révolutionne et nous attendons toujours. Vous avez peur, vous et vos amis syndicalistes. Peur de qui? De quoi? Moins fort, tu vas réveiller les garçons. Peur de nous. Peur que nous choisissions le mauvais bulletin de vote. Pas vrai? Faut dire, avec les femmes, on sait jamais sur quel pied danser. Suffit de voir chaque mois dans quel état vous êtes. Dans un mauvais jour, vous seriez capable de voter pour les bourgeois ou les curés. Ça va pas la tête. Quand il s'agit de nous tenir à l'écart, toutes les excuses sont bonnes, surtout les mauvaises. En vérité, vous voulez conserver les privilèges de votre sexe. Dans ce cas, pourquoi lutter contre les privilèges de classe? Mais rien à voir. Si, Marcel, le docteur a raison. Tu peux pas garder les privilèges qui t'arrangent et décider d'abolir les autres. Ouais. Bon, admettons, demain, les femmes ont le droit de vote. Pendant que la mienne ira voter, qui va s'occuper des gosses, hein? Qui va faire la soupe? Bah toi, gros bêta. En parallèle, Madeleine Pelletier milite pour l'abolition du mariage. Selon elle, un esclavage. Sur le plan sexuel, elle prône l'égalité entre hommes et femmes, tout en revendiquant sa virginité. En septembre 1911, elle publie un texte intitulé « Le droit à l'avortement ». Elle est la première femme médecin à se prononcer par écrit en faveur de la légalisation de l'avortement, qu'elle pratique déjà chez elle, en cachette. Son texte provoque un tollé jusque dans les rangs des féministes et des socialistes. Madeleine se retrouve isolée. Début avril 1914, disparaît Hubertine Auclair, l'une de ses rares amies. Elle est enterrée au Père-Lachaise. Chère Hubertine, avec qui vais-je commettre des actions d'éclat? Incroyable, non? De penser qu'elle repose en face d'Honoré de Balzac. Ils ne s'entendront guère. Balzac ne soutenait pas la cause des femmes. Elle serait plus à sa place au Panthéon. Vous êtes? Hélène Brion. J'ai pris en note l'un de vos discours aux dernières législatives. Pour moi, vous incarnez le féminisme. Et pour d'autres, je suis une terrible virago. Vous êtes journaliste? Non, institutrice. syndicaliste et pacifiste. Les femmes sont toutes à la fois. Elles feraient mieux de n'être que féministes et sérieusement. Je le suis. Je travaille sur une encyclopédie féministe. Je rédige les biographies de femmes exceptionnelles. Je rêve d'écrire la vôtre. Qu'en dites-vous ? J'en dis que vous portez un costume d'homme. C'est encourageant. Voyez, Hubertine, la relève est là. Vous l'aurez, votre suffrage des femmes. Au printemps 1914, en marge des législatives, des groupes féministes organisent, avec l'appui du quotidien Le Journal, un référendum sauvage autour de la question « Mesdames, mesdemoiselles, désirez-vous voter un jour ?» Les parisiennes se rendent dans des bureaux de vote improvisés, les provinciales votent par correspondance. La mobilisation est énorme. Plus de 500 000 femmes répondent « Je désire voter ». En juillet de la même année, Madeleine Pelletier participe à Paris à la première grande marche en faveur du vote féminin. Aux côtés de 6 000 suffragettes, elle va fleurir aux Tuileries la statue de Condorcet, fidèle allié des femmes pendant la Révolution française. Le mouvement prend de l'ampleur. Mais le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France, cassant net cet élan. Socialistes, féministes, tous dans le même sac. En rang serré derrière Poincaré et son union sacrée. Les traîtres. Je hais la guerre. Comment peut-on encourager des hommes à se faire massacrer ? Il a bon dos ton pacifisme. Tu en profites pour rester à l'abri. Lâche. C'est faux. J'ai proposé d'aller au front soigner les blessés, français, allemands, peu importe. En vain, on me tient à l'écart. Même Napoléon, cet antiféministe notoire, avait des femmes dans son armée. Sûrement à cause d'elle qu'il a perdu Waterloo. Docteur Pelletier ? Tenez, un peu d'eau. Merci. Vous ne me félicitez pas ? Pourtant, j'ai retenu votre leçon d'avant la guerre. Pardon ? Mon pauvre Marcel s'est fait déchiqueter par un obus. Je suis une femme, veuve, et je ne pleure pas. Suis-je devenue un homme, docteur ? Ou une bête ? Je suis désolée. Et vos enfants, comment vont-ils ? Les garçons ont grandi, et ma fille, oui, c'était une fille. Elle vient d'avoir 4 ans. Elle adore jouer à la poupée. Dommage. Que puis-je pour vous ? Je suis enceinte. De l'homme que j'aimais et qui ne verra jamais son enfant. Je ne veux pas le garder. Vous pouvez m'aider ? En France, l'après-guerre est marquée par une offensive nataliste. La loi du 31 juillet 1920 réprime plus durement l'avortement que Madeleine Pelletier continue de pratiquer. Elle vit désormais au cœur du quartier latin, rue Monge. Déçue par les socialistes, elle profite de la scission de la SFIO au congrès de Tours en 1920 pour rejoindre le Parti communiste. Fin 1922, le Sénat, orienté à gauche, rejette une fois de plus le suffrage des femmes. Dire qu'au Royaume-Uni, les femmes de plus de 30 ans peuvent voter depuis 1918. Pourquoi nous n'y arrivons pas ? Je n'en peux plus de ces hommes qui ne pensent qu'à repeupler la France au détriment de notre liberté. Tout me décourage. Je suis née un siècle trop tôt. Tu aurais mieux fait de ne pas naître du tout. Avec tous les enfants que j'ai perdus, je me demande pourquoi toi tu t'es accrochée à la vie comme la pauvreté sur le monde. Tu veux savoir ? Écoute, c'est un journaliste qui parle de moi. La plus avancée, intelligente et impitoyable des féministes. Voilà, mère. Je me suis accrochée pour devenir cette femme-là. Chère Hubertine, j'espère que vous aimez les roses. 9 ans déjà. Plus le temps passe, plus j'ai honte de me présenter à vous, bredouille. Vous capitulez ? Quelle déchéance ? Vous m'en voulez encore, Hélène. De quoi ? De n'avoir pas témoigné à mon procès après la guerre ? J'étais de votre côté. Moins aveuglée que vous par l'idéal pacifiste. Aveuglée ? Je suis ennemie de la guerre parce que féministe. Les féministes ne sont pas toutes pacifistes. Souvenez-vous de leur empressement à enterrer nos revendications pour se mettre à tricoter des chaussettes destinées aux soldats. Peut-être. Mais la guerre, c'est le triomphe de la force brutale, le féminisme, celui de la force morale. Il y a antinomie entre les deux. Et entre nous deux ? Vous restez mon amie. Pardonnez ma colère, mes convictions m'ont coûté cher. Le conseil de guerre m'a condamnée comme une criminelle, révoquée de l'enseignement. J'ai tout perdu. Non. L'essentiel dans la vie, c'est de se donner un but et d'avancer vers lui. Vous avez ce projet d'encyclopédie féministe qui me parle... Qui piétine. À quoi bon ? Vous savez comment j'occupe mes journées ? Je m'adonne au spiritisme. Vraiment ? Oui. Je converse avec ma grand-mère. J'entends sa voix, elle m'apaise. Si vous voulez, je vous aiderai à communiquer avec vos morts. Non, merci. J'entends déjà des voix. Je veux dire, elles sont présentes dans mon souvenir. Quelle chance. Pourquoi êtes-vous venue voir Hubertine ? Pour lui demander quelque chose à propos du suffrage des femmes. Quoi donc ? Encore un peu de patience. En juillet 1926, suite à des tensions, Madeleine Pelletier quitte le Parti communiste et renoue avec les anarchistes. À la même époque, elle est l'une des premières à dénoncer le fascisme de Mussolini. Active sur tous les fronts, elle dérange de plus en plus et perd son poste de médecin adjoint des PTT. Sa situation matérielle se dégrade. Si elle écrit toujours des articles, elle se lance dans la fiction et publie un roman autobiographique, « La femme vierge », dans lequel elle s'offre une mort héroïque lors d'une manifestation. Accusée début 1933 d'avoir pratiqué un avortement, elle s'évanouit dans le bureau du juge d'instruction. Ça va mieux ? Ça va mieux. Un verre d'eau ? Vous n'avez rien de plus fort. Un cognac ? Très bien. Merci. Vous avez raison, je n'ai pas de preuves contre vous. Alors, je peux... Vous êtes libre, docteur. Doctoresse. Décidément, j'ai du mal avec le féminin. Et avec le féminisme. Faites attention. La prochaine fois, j'aurai des preuves. Plus de peur que de mal. Je l'ai échappé belle. J'en suis quitte avec une bosse sur le front. J'enrage d'avoir montré ma faiblesse à ce petit juge. Son cognac était infect. Il ne me lâchera pas, c'est sûr. Je dois songer à me calmer. Un peu. Madeleine Pelletier ne se calme pas. Du tout. Si elle redoute la prison, elle redoute davantage l'ennui. En 1935, elle publie « La rationalisation sexuelle », un livre qui insiste sur le droit à l'avortement et sur les thèses néo-malthusiennes pour la limitation des naissances. Il lui vaut un procès dont elle sort en appel, auréolée de gloire. Mais avec la mobilisation contre le fascisme et la montée en puissance du Front populaire, l'émancipation des femmes devient un sujet secondaire. En avril 1936, les féministes retrouvent pourtant des raisons d'espérer. Madeleine, voyez comme il a fière allure le gouvernement Blum. 3 femmes au poste de sous-secrétaire d'État. C'est bon signe. C'est gagné. Nous allons l'obtenir, le suffrage des femmes. Venez, allons au Père Lachaise annoncer la nouvelle à Hubertine. Méfiance, Hélène. Chat échaudé craint l'eau froide. Madeleine Pelletier a raison de tempérer son enthousiasme. Les Françaises devront patienter jusqu'en 1944 pour conquérir le droit de vote, près d'un siècle après leurs compatriotes masculins. En 1937, Madeleine subit une attaque d'hémiplégie dont elle sort diminuée. 2 ans plus tard, elle est à nouveau dénoncée dans une affaire d'avortement, puis inculpée. Une expertise psychiatrique la juge irresponsable de ses actes et dangereuse pour elle-même, pour autrui et pour l'ordre public. Ironie du sort, la première femme médecin interne des asiles se retrouve internée dans un asile. Elle y mourra 6 mois plus tard, fin décembre 1939, dans une extrême solitude. Le monde rejette les femmes qui se distinguent du troupeau. Les hommes les rabaissent, les femmes les détestent. J'ai conscience de penser contre le courant. Tant pis. Je vais continuer à parler, écrire, agir. Témoigner avec la force de ma lucidité pour la postérité. La postérité. Ma pauvre fille. On va vite t'oublier. Les bonnes femmes me fatiguent. Je ne les aime guère, du moins telles qu'elles sont. Pourtant, j'ai toujours été féministe. Depuis que j'ai l'âge de comprendre. Je suis née féministe. Je le resterai jusqu'à ma mort. Au fond, c'est grâce à toi, mère. Merci. Madeleine Pelletier, une féministe intégrale de Corinne Klomp, avec Madeleine Pelletier, Catherine Tartarin, le juge d'instruction René Hernandez, la mère Lara Brulle, Hubertine Auclair, Bernadette Le Sachet, Hélène Brion, Morgane Nérot, la patiente Marie Sambour, son mari Étienne Bédon, le serveur Jean-Pierre Poisson, bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Marie Le Peintre et Valentin Azan-Zielinski, assistante à la réalisation Aurélie Miremont, réalisation Laure Egoroff. Inter. Stéphanie Duncan, autant en emporte l'histoire. Florence Dorer, citons-le, nous avons donc laissé Madeleine Pelletier en 1933, la féministe qui ne se contente pas de défendre le droit à l'avortement, mais qui, comme médecin, le pratique, hein, pratique l'avortement et donc prend des risques à ce titre. Elle vient d'échapper de peu à la prison, mais comme le dit le juge, faites attention, la prochaine fois j'aurai des preuves. Madeleine Pelletier ne va pas tarder à se faire prendre. Qu'est-ce qui se passe exactement en 1939? C'est assez trouble cette affaire. Alors, il faut remonter un petit peu en avant. Madeleine Pelletier est sous surveillance déjà depuis le début des années 30, il y a eu des alertes, il y a eu des lettres anonymes pour dénoncer le fait qu'elle pratiquait des avortements. Ce qu'il faut souligner et que vous venez de rappeler, c'est que certaines faiseuses d'anges ou médecins pratiquaient des avortements de manière tout à fait clandestine. Il y avait à côté de cela les néo-malthusiens qui prônaient la régulation des naissances et qui pensaient que pour mieux élever les enfants, il fallait en avoir moins. Mais des exemples, des cas de médecins qui pratiquaient des avortements et qui en même temps ouvertement se revendiquaient en tant que néo-malthusiens, on ne connaît que Madeleine Pelletier. Donc là, c'est extrêmement rare. Oui, c'est une femme donc qui prend beaucoup de risques. Elle est très courageuse. C'est effectivement une position qui est extrêmement risquée. Elle est sous surveillance depuis de nombreuses années. Mais comment expliquer? C'est un acharnement? C'est qui, en fait, qui alors, la surveille ainsi? C'est le gouvernement? Elle a un dossier auprès de la préfecture de police, déjà depuis plusieurs années, de par ses activités politiques, surtout auprès des anarchistes. Elle s'était déjà illustrée. Enfin, ça, c'est ancien, quand même. C'est ancien, mais elle a un dossier, elle est sous surveillance, on a même des rapports de police. Elle a donné énormément de conférences dans des universités populaire ou au club du Faubourg. Oui, parce que c'est une femme connue à ce moment-là, dans les années 20-30. Elle est hyper active en plus. Elle s'intéresse à tout. Elle est extrêmement originale dans son mode de pensée. Elle ne se refuse aucun thème de débat. Donc, effectivement, on écrit beaucoup sur elle. On l'entend beaucoup. Voilà, c'est une femme en vue à cette époque-là. Mais elle est surveillée. Elle est surveillée, tout à fait. Et elle est l'objet de lettres anonymes. Oui, parce que dont l'une aboutit sur le bureau du commissaire Zamaron, qui lui, depuis les années 20, est en charge de tout ce qui est histoire d'avortement. Oui, parce que 1920, on le rappelait, hein, c'est la loi qui punit le plus sévèrement les femmes qui se font avorter, les personnes qui avortent, les médecins ou les faiseuses d'anges, et également, on n'a pas le droit de promouvoir le droit à l'avortement. Voilà, c'est ce qu'on appelle les lois scélérates des années 20. Non seulement l'avortement est un crime, mais également la contraception. On est au sortir de la Première Guerre mondiale et il faut absolument repeupler la France. Or, pratiquer un avortement, c'est un crime anti-patriotique. Et il faut rappeler aussi que cette femme, en 1939, c'est une femme âgée déjà, Madeleine Pelletier. Elle a 65 ans et oui. Elle est malade. Oui. Donc, elle est atteinte d'hémiplégie, elle est à moitié paralysée. Mais elle continue de pratiquer des avortements, elle se fait aider de sa femme de ménage et d'une sage-femme. Et donc elle est accusée, elle est donc perquisitionnée, arrêtée et accusée de troubler l'ordre public et de mettre en danger la sécurité des personnes. Et à ce titre, elle va être internée en asile psychiatrique. Tout à fait. Elle qui pourtant, enfin, c'est assez incroyable. Qui est la première femme à avoir été autorisée à passer le concours de médecin psychiatre, d'interne en psychiatrie. Oui. Et c'est rien, et personne n'a cherché à la défendre. Alors, la perquisition n'a pas donné grand-chose. Certains de ses amis se sont mobilisés pour essayer de mettre sur pied une campagne de presse. Et mais finalement, ils se sont dit que peut-être il fallait ne pas faire trop de battage médiatique autour de cette histoire. Mais ce qu'on imagine, c'est que Madeleine Pelletier, bien que diminuée par son attaque hémiplégique, restait une excellente oratrice. Elle aurait dû faire l'objet d'un procès. Il était plus simple de l'interner. Elle était moins dangereuse en étant internée que si on lui avait donné l'occasion de se défendre dans le cadre d'un procès. Et donc l'internement dont elle va être victime va la tuer. C'est un asile psychiatrique absolument horrible où elle est internée. Oui. L'ironie du sort veut qu'elle ait écrit un article sur l'internement dans l'encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure où elle disait « L'internement, c'est pire que la prison parce qu'on n'en connaît pas la fin. » Ouais. et elle-même était une très bonne médecin psychiatre, je crois, quand elle était interne. Oui, on dit qu'elle était freudienne. On a retrouvé des notes, effectivement. Elle prenait des notes de manière très précise et elle avait une approche, là aussi, très novatrice en matière de traitement de ses patients. Oui, c'est étonnant, cette femme, hein, Madeleine Pelletier, qui a fait tellement de choses dans sa vie, médecin psychiatre, elle était franc-maçonne, elle a été socialiste, communiste, anarchiste. Et puis, mais elle disait malgré tout que son combat principal, avant tout, c'était d'être féministe. Oui, oui, oui. Effectivement, elle est originale à plus d'un titre, originale de par son parcours. C'est une autodidacte complète, hein, née dans une famille extrêmement pauvre, une enfance misérable, tant sur le plan affectif. Oui, sa mère, qu'économique. On l'a entendu, n'était pas très aimante, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle arrête l'école à 12 ans, elle reprend ses études à l'âge de 20 ans, elle passe le baccalauréat, elle l'obtient avec mention très bien. Elle découvre le monde des bibliothèques grâce aux anarchistes. Mais ça, alors, c'est une touche à tout, elle s'intéresse à tous les sujets. Elle est également extrêmement originale dans son mode de pensée, c'est-à-dire que elle dit que c'est le féminisme qui doit primer sur tout le reste, sur l'engagement politique, mais en même temps, elle prône l'entrisme dans les partis, c'est-à-dire qu'elle veut jouer dans la cour des grands. Idem dans la franc-maçonnerie, quand on essaye de la cantonner aux loges féminines, non, elle veut être dans une loge... Mixte, oui, ouais. Pareil. Oui, elle dit qu'elle s'ennuie aussi avec les femmes, parce que oui, parfois elle trouve que c'est trop étroit. Oui, c'est ça. Oui. C'est intéressant aussi, elle revendique ses droits masculins, le service militaire, ça c'est quelque chose... Enfin, il y a cette idée aussi qu'il n'existe pas de nature féminine finalement, que les femmes en soi ne sont pas douces, pas pacifiques, que finalement, ça c'est aussi très moderne, l'idée que les hommes et les femmes finalement se ressemblent beaucoup. Alors, elle est là aussi d'une avance incroyable sur son temps. Ouais. Elle dit que l'observation des petits-enfants dans leur jeu montre qu'au début de la vie, la mentalité est la même chez un petit garçon ou chez une petite fille, et que c'est l'éducation... Alors là, elle parle de l'éducation de la mère, puisque à son époque, c'est la mère qui éduque essentiellement les petits-enfants. Et elle dit que c'est la mère, en fait, qui commence à créer le sexe psychologique de son enfant et qui fait que l'enfant devient... une petite fille et ensuite une femme. Elle prône la virilisation. Elle écrit un livre qui s'appelle « L'éducation féministe des filles » en 1914, où là, c'est un ouvrage qui est extrêmement complet, qui est extrêmement intéressant, où elle dit qu'il faut habiller les petites filles comme des petits garçons pour qu'elles aient la liberté de leur mouvement et elles ne soient pas coincées dans des jupes à crinoline avec des jupons. Elle dit aussi qu'il faut leur donner des modèles de femmes savantes. Oui, quand elle était petite, elle rêvait d'être générale. Voilà, elle c'était Napoléon Bonaparte, son modèle. On peut comprendre que tout ça, évidemment, ses idées à elle, c'est difficile pour beaucoup de femmes d'entendre cela. Enfin, c'était quelque chose de même aujourd'hui. Enfin, je veux dire, c'est quand même des idées extrêmement radicales. Le fait, par exemple, de refuser la sexualité, de préférer la chasteté plutôt qu'une sexualité de soumission par rapport à un homme. Je veux dire, oui. Elle préfère zéro sexualité, que ce soit avec un homme ou une femme. Oui, oui, oui. Alors là, elle est tout à fait ouverte. Mais plutôt fermée, je dirais, à tout. Oui, oui, enfin, fermée pour elle, oui. Mais ouverte oui, dans l'absolu. Oui, c'est-à-dire que pour les autres, elle veut une liberté sexuelle, totale. Elle prône une liberté sexuelle, totale. Totale. Oui, une sexualité hétérosexuelle ou pas. Oui. Elle ne se met aucune barrière, mais effectivement, pour elle, la famille est un facteur d'oppression. La famille opprime, la maternité enchaîne la femme. Et tant qu'il n'y aura pas égalité entre l'homme et la femme, elle prône la chasteté. Comme état, et elle parle du célibat comme étant un état supérieur dans le contexte et au moment où elle en parle. C'est son choix. Tout à C'était son choix. Merci beaucoup, Florence Dorer-Citoleu. Je rappelle que vous êtes l'autrice d'un documentaire sur les traces de Madeleine Pelletier et les livres à lire sur ce sujet. Eh bien, de Madeleine Pelletier, d'abord, elle a écrit beaucoup, mais il n'y a pas grand-chose qu'on peut trouver actuellement disponible. La femme vierge aux éditions Indigo Côté Femme. Le journal d'une suffragiste, également d'Hubertine Auclair, chez Gallimard en folio. Et à lire aussi le dictionnaire du féminisme, dirigé par Christine Barr, édité au PUF. C'est la fin pour aujourd'hui de Temps n'emporte l'histoire. Cette émission était en nouvelle diffusion. Vous pouvez la réécouter ou la podcaster sur notre site radiofrance.fr. Vos commentaires, comme toujours, y sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons au début du 19e siècle en Afrique de l'Ouest avec un personnage étonnant et attachant, René Caillé. En 1816, cet apprenti cordonnier, fils de bagnard, qui rêve de voyage depuis l'enfance, s'embarque à 17 ans pour le Sénégal. Son idée fixe, entrer dans Tombouctou, la mystérieuse cité du Mali qu'aucun occidental n'a réussi à atteindre. 1816, René Caillé, l'explorateur de Tombouctou, c'est dimanche prochain à 21h sur Inter. Je signale également la mise en ligne d'un podcast « Autant n'emporte l'histoire » en 6 épisodes consacrés à 6 femmes qui, du 18e au 20e siècle, à un moment de leur vie, ont décidé de larguer les amarres et de découvrir le monde. Aventurière, un podcast France Inter.